fais l'intro ou je refais l'intro quand même? Alors, bonjour à tous et à toutes. On va faire une intervention de Alexandro. Je viens nous parler de violences policières, racisme et guerre à la drogue. Donc, je vous invite à vous rapprocher. Donc, on va faire 20 minutes. Il va présenter pendant 20 minutes son sujet et après, on va faire 40 minutes à peu près de débat avec le public. Donc, vous êtes à venir à l'écouter. Voilà. Donc, maintenant, je te donne le micro. Vas-y. Oui, bonjour à toutes et à tous, que vive la place de la République ouverte et occupée pour les débats importants. Et aujourd'hui, je vais vous parler des liens entre les violences policières, le racisme et la guerre à la drogue. C'est un sujet qui n'est pas abordé en France. Mais qui est aujourd'hui une évidence aux États-Unis. Donc, je vais vous parler de cette évidence qui s'est manifestée aux États-Unis ces dernières années et de ce que j'espère se manifestera comme évidence en France prochainement. Puisque les violences policières et le racisme qui sont à la base de ceci, sont possibles aux États-Unis et en France aujourd'hui parce qu'il y a une guerre à la drogue qui est une absurdité totale et je vous expliquerai aussi pourquoi. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé à prendre connaissance des informations que je peux vous apporter et des idées que je peux avancer, ben voilà, vous êtes les bienvenus à assister à ce débat. J'y vais. Bon. Alors, bien, les liens étroits, intrinsèques, entre les violences policières, humiliations, brimades, voire meurtres, et le racisme et la guerre à la drogue est aujourd'hui aux États-Unis une évidence pour la masse de la population. Cette évidence est sautée aux yeux du public grâce notamment au livre de Michel Alexander, avocate, juriste, professeur à l'Université d'Ohio, qui a publié en 2010 un livre aux États-Unis et qui vient d'être traduit en France ce mois-ci aux éditions Ellipse, intitulé La couleur de la justice. Puisque la justice a une couleur. Aux États-Unis, c'est la conclusion de Michel Alexandre après son étude à la fois sociologique et juridique. Aux États-Unis, la guerre à la drogue a permis de continuer l'oppression des blancs envers les noirs. Et concrètement, a permis que si l'arrière-grand-père ne pouvait pas voter puisqu'il était esclave, si l'arrière-grand-père ne pouvait pas voter puisque soumis aux lois ségrégationnistes et déclaration d'une deuxième classe ou deuxième caste dans la société faite par les noirs, les pères et les fils ne peuvent pas porter parce qu'ils sont exclus de la société sous prétexte de la guerre à la drogue. Aux États-Unis, il y avait 300 000 prisonniers en 1975. Il y en a aujourd'hui 2 millions et demi. Cette explosion de l'incarcération de masse, mise en lumière par Michel Alexandre et d'autres afro-américains, s'explique par la guerre à la drogue lancée par Richard Nixon dans les années 70, continuée par Ronald Reagan et tous les présidents américains, jusqu'à Barack Obama qui a infléchi un peu la politique répressive envers les drogues et les drogués. Mais il reste que aux États-Unis, depuis les années 70, entre 30 et 40 millions de Noirs américains sont passés par la case de prison. Et aux États-Unis, passer par la case de prison, c'est plus grave qu'en France, puisque les droits et la jurisprudence font en sorte qu'on est incarcéré plus longtemps. La récidive, les peines planchers appliquées, mises en place par Sarkozy il y a quelques années en France, existent aux États-Unis depuis les années 80. Et donc ça fait que des gens sont condamnés à la perpétuité ou à 20 ans de prison pour la possession de 100 grammes de marijuana, puisqu'ils sont récidivistes. Il y a la loi des trois, la troisième faute, ça paye pour toutes les autres. Même si la première faute a été commise il y a 20 ans, et ben, ça s'ajoute, ça s'enchaîne et fait en sorte que les prisons américaines sont remplies. Aux États-Unis, il y a pratiquement un prisonnier pour 100 habitants, quand en France c'est 1 sur 1000. 67 millions d'habitants, en France 67 000 prisonniers, en gros. Et aux États-Unis c'est 2 millions et demi pour 200 millions d'habitants aujourd'hui. Vous voyez. Mais l'incarcération de masse n'est pas. C'est mon ça, c'est que ensuite, quelqu'un qui est classé comme criminel aux États-Unis voit ses droits civiques empêchés par la suite. Et ces droits civiques sont le droit de vote. En France, je vous rappelle que même les prisonniers ont le droit de vote. Mais c'est aussi les droits au logement, les droits aux prestations sociales, aux allocations, au bon alimentaire d'alimentation. Bien, quelqu'un qui est classé comme criminel, et par les États-Unis, il perd tout ça. Ce qui fait que s'il était déclassé, il tombe encore plus bas. Hein, et sans parler du fait que dans les demandes d'embauche, dans les CV, si vous êtes passé par la case de prison aux États-Unis, vous êtes obligé de l'écrire et de signaler. Bon, tout ça, qu'est-ce que ça produit? Ça produit qu'aux États-Unis, il y a une caste inférieure encore aujourd'hui, qui sont les Afro-Américains. Et c'est ce système de guerre à la drogue, d'incarcération de masse de la population américaine sous prétexte de guerre à la drogue, qui produit encore aujourd'hui cette sous-caste d'Afro-Américains qui sont incarcérés et exclus par la suite des droits civiques. Dans les grandes villes comme Washington, New York, Baltimore, Los Angeles, évidemment, Chicago, des jeunes de 20 ans, noirs, américains, ont 3 sur 4 sont sûrs, aujourd'hui statistiquement, de passer par la case de prison. Et c'est quelque chose d'évidemment énorme. Voilà. Dans la case de prison aux États-Unis, sur 2 millions et demi de prisonniers, 80% sont noirs. Et cela explique tout. C'est énorme. Venons-en à la France. Puisque ce lien entre violence policière, racisme et guerre à la drogue n'est encore pas entré dans les débats publics, n'est pas connu par la population, on n'y pense pas. Bon, les derniers en date des victimes de violences policières, c'est un Chinois. Mais si vous regardez vous savez bien que, contrairement aux États-Unis, on peut faire des statistiques que j'ai bien de vous dire. Les statistiques ethniques sont interdites. D'accord. Mais si vous regardez sur le site Urgence, notre police assassine, est publiée la liste de toutes les victimes de violences policières depuis des années, des décennies. Et à part les noms et prénoms des gens, il y a aussi une trentaine de photos. Et si vous regardez les photos, vous prenez conscience que pratiquement tous sont noirs et arabes. Voilà, pour parler clair. Hein? Donc même en absence de statistiques ethniques, les photos des personnes parlent par elles-mêmes. Et c'est bien ça en France. Donc, ce sont les Noirs et les Arabes qui sont victimes de violences policières de toutes sortes, de la brimade, de l'humiliation, l'harcèlement quotidien dans les quartiers, dans les cités de banlieue, jusqu'au maître. Et ceci est possible parce que il y a cette légitimité donnée aux policiers démener la guerre à la drogue. Et cette guerre à la drogue est née en France, comme aux États-Unis d'ailleurs, contre les gens qui habitent dans les quartiers populaires. Or, dans les quartiers populaires, qui est-ce qui habite ? Habite les Noirs et les Arabes, en très grande majorité. C'est simple. Et l'acharnement des policiers à mener la guerre à la drogue dans les quartiers populaires, dans les cités, tient au fait qu'ils sont racistes. Puisqu'il n'y a pas plus de consommation de drogue et de revente de drogue dans les beaux quartiers parisiens que dans les cités de banlieue. La consommation de drogue dépasse toutes les classes sociales et la vente et la revente aussi. Alors il faut se demander pourquoi. Pourquoi ? Ce sont les jeunes, au moins jeunes habitants des banlieues, qui sont évidemment noirs arabes parce qu'ils sont pauvres, ils sont relégués dans ces ghettos, qui tombent sous la coupe des violences policières quotidiennes. Parce que cela permet de continuer le racisme par. Sous d'autres prétextes. Comme aux États-Unis, la guerre à la drogue permet aux suprémacistes blancs de continuer la guerre commencée il y a un siècle, mettant les Noirs en esclavage, continuer mettant les Noirs en apartheid, et aujourd'hui continuer en mettant les Noirs américains en prison. Eh bien, en France, on fait en gros les mêmes. Si aux États-Unis, ce sont les Noirs, voire les Latinos, qui sont dans cette situation d'oppression, en France, ce sont les Noirs et Arabes. Ce qui permet à des policiers racistes, des jeunes mecs venant des Creuses, des endroits paumés de France, et qui s'embossent comme policiers, qui permet à ces policiers d'exercer leur violence dans les quartiers populaires. S'ils n'avaient pas cette légitimation de la guerre à la drogue, les policiers ne pourraient pas exprimer ce racisme. Qui est une continuité, là aussi en France, c'est une continuité comme aux États-Unis. Le racisme déployé dans les quartiers populaires aujourd'hui, est héritier du racisme anti-bougnoule qu'on ne veut toujours pas lâcher et du racisme colonial envers les Noirs considérés toujours comme inférieurs. C'est cette possibilité donnée aux policiers par la guerre à la drogue qui faut questionner. La guerre à la drogue est une assurdité totale. C'est une schizophrénie pure et simple et il faut arrêter. C'est pas seulement moi qui l'ai dit, ce sont des anciens présidents du Brésil, d'Argentine ou Kofi Annan, ancien président de l'ONU, qui le disent. La guerre à la drogue est une assurdité, la guerre à la drogue tue beaucoup plus que ne pourraient le faire les drogues elles-mêmes. Les, La guerre à la drogue est absurde parce qu'elle ne va pas s'en prendre aux pauvres, aux noirs, aux arabes, aux latinos et à autres minorités visibles, ne résout absolument pas la question, au contraire, l'amplifie. C'est parce qu'il y a une guerre à la drogue que se forment des bandes criminelles. C'est parce qu'il y a une guerre à la drogue que on donne la possibilité d'expliciter du racisme et qui n'a aucun sens. Ça fait des abandons qu'en France il y a eu un rapport Roque, qui s'appelait repris par Bernard Kouchner, ministre des Hospices, ministre de la Santé, et qui avait classé l'héroïne comme autant dangereuse que l'alcool. L'alcool est toujours achetable dans n'importe quelle épicerie, supermarché de France. L'héroïne est toujours illégale. Et c'est une absurdité aussi, parce que c'est un produit cannabis, évidemment, qui fait beaucoup moins mal que le tabac, et qui est en vente libre, le cannabis est toujours illégal. Mais c'est une absurdité, la drogue, la légalité, parce que en pharmacie, vous trouvez l'équivalent de l'héroïne sous d'autres appellations. Donc il faudrait arrêter l'hypocrisie, mettre les choses à plat. Et cela contribuerait aussi à arrêter les possibilités de violences policières. Voilà. J'ai... Ok. Merci à toi. Alors maintenant, on va passer au public. Est-ce que vous avez des questions dans le public à poser sur ce thème, faire des remarques? Bah attends, je vais te filer le micro, tu vas le dire au micro. Tu veux rester assis ? Ouais. C'est pas arrivé. Alors je sais pas si quelqu'un peut me répondre. Je sais pas si quelqu'un peut me répondre à part la police, mais je veux savoir pourquoi ce matin ils sont venus nous enlever nos tentes alors qu'on a rien et qu'on dort dans la rue en fait tout simplement. C'est une question. Alors, non, c'est pas que ça peut arriver. On protège les riches alors qu'ils sont censés protéger les pauvres. Et là, bah du coup, on a plus de tentes. Et on est devant le McDo, on a une tente. Qui était là depuis 3 mois et bah aujourd'hui, ce matin, on n'a qu'un matelas, en fait, tout simplement. D'accord, bah je vais. Si tu veux répondre. Oui, parce qu'on avait fait un atelier la semaine dernière justement sur la question du racisme. Et il y avait une question qui s'était posée justement du mécanisme qui se met en place à force d'être victime de violences policières, il finit par y avoir donc une haine contre la police, donc contre l'État, et donc contre la population que l'État est censé représenter. Donc du coup, il y a une haine contre les Français, en fait, qui va crescendo. Et inversement, à force, pour beaucoup de Français, à force de voir comme tu le disais, des Noirs et des Arabes contrôlés, il y a une espèce de suspicion qui se met en place de s'ils sont plus contrôlés que les autres, c'est qu'ils doivent être plus coupables. Donc certainement que ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est vrai là-dedans. Enfin voilà, il y a ce processus qui est double en fait de chaque côté qui produit du racisme en fait interposé, alors que c'est lié à la base à ce que tu as expliqué sur la question de la drogue. Et... Oui, parce que Éric Zemmour, pour faire un nom, avait dit il y a 2-3 ans que, vous voyez, les Noirs et les Arabes, ils sont incarcérés puisqu'ils sont dealers. Et dealers, aujourd'hui, c'est les demandes des temps modernes. Les dealers, c'est les monstres. D'accord. Or, c'est qui les dealers déjà? Les dealers de banlieue, c'est qui? C'est des gens jeunes qui sont au chômage, parce qu'il y a 50% des chômages dans les banlieues. C'est des gens jeunes qui touchent 50 euros pour être déjà du matin à minuit à faire le guetteur, ou 100 euros pour vendre de la canne. Et ce sont des ouvriers. Ce sont des ouvriers. Or, évidemment que ce sont des Noirs et des Arabes qui sont arrêtés pour le trafic de drogue, puisque le trafic de drogue est réprimé seulement dans les cités des banlieues, dans les beaux quartiers. Il n'est pas réprimé. Les flics qui passent, ils sont là pour protéger les riches. Ils sont là, pas là pour taper sur les consommateurs et les revendeurs de drogue dans les beaux quartiers. Par contre, dans les cités populaires, là, ils sont là pour réprimer les jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient juste de se servir dans la vie, parce qu'autrement, s'il n'y avait pas le trafic de drogue dans les banlieues, ça serait encore plus catastrophique, la situation économique et sociale des gens. Or, les enquêtes, quand même, il faut le souligner, les trafics illégaux des drogues dans les banlieues se rapportent que 5% des revenus de banlieues. 5%, parce que la masse des gens, des femmes, ils font les ménages dans les bureaux dans les métros. Et les hommes, ils sont chauffeurs des cars, balayeurs dans les métros et autres métiers pénibles. C'est ça les faits. Tu veux reprendre, toi ? Tu veux poser des questions ? Est-ce que vous voulez poser des questions dans le public ? N'ayez pas peur, on va pas vous manger, hein. Que doit-on faire pour qu'on ait un recrutement d'hommes crédibles et dans le sens moral, humain, pour pouvoir se sentir protégé, tout simplement. Oui, moi ce que je voulais poser aussi, et c'est tout à fait en lien, c'est quel est le rôle là-dedans de la formation aussi policière ? Ah, là, pour le coup, j'en suis trop foyer hein, de la formation policière, mais je pense que les policiers, petits blancs qui viennent des régions paumées et des flancs, qui sont envoyés comme cow-boys avec des armes de guerre dans les cités populaires, il y a une idéologie qui les soutient, il y a une idéologie conservatrice, évidemment. Et il y a une carte blanche pour donner l'expression de leur racisme. Mais c'est ça qu'il s'agit. Quant à la formation policière, je pense qu'elle est déjà très réduite, pour ce que je sais. Et qu'on met dans les mains des gamins de 20 ans des armes de guerre, même un flashball, ça suffit. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gardiens de la paix, parce que ainsi s'appellerait-il, les gardiens de la paix soient là pour faire cette fonction et pas réprimer à la tête des clients et selon leur envie et leurs inimitiés. Je ne sais pas trop, je pense que ce n'est pas la formation des policiers qu'il faudrait changer, c'est la mentalité des gens qu'il faut changer. Et la mentalité des gens, c'est un fait des changements culturels, c'est pourquoi prendre conscience de ces liens et de cette base de la guerre à la drogue laquelle il faudrait en finir, c'est pour moi fondamental. Ensuite, si les policiers n'ont plus ce prétexte d'aller dans les banlieues avec des armes de guerre, à harceler, voire tuer des jeunes noirs et arabes, parce qu'ils sont légitimés par la guerre à la drogue, eh bien, ils feront autre chose. Ils seront peut-être obligés un jour d'aller pourchasser les dealers de flics et des raisons fiscales dans le bon quartier et à la défense. Mais j'ai des doutes. Merci. Bah, moi, je vais poser une question, je vais en profiter aussi. Je vais juste te demander, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de la loi sur, qui a été mise récemment, là, sur l'accentuation ou l'utilisation d'armes par les policiers et un pouvoir qu'ils ont en plus maintenant avec cette loi-là. Et deuxième chose... attends, j'avais celle-là, plus... plus comme tu dis en fait, je pense que c'est comment dire, c'est des politiques en fait. Je pense qu'ils rendent méchants les policiers. Je pense que c'est leur politique aussi. Et est-ce que tu penses que si on change de politique et d'hommes politiques qui nous dirigent, est-ce que ça peut changer parce qu'on peut faire changer la mentalité des policiers grâce à ce sujet-là aussi. Non, moi franchement, je ne crois ni aux urnes ni à la prise des prêts d'hiver. Je pense à la transformation de la société. J'ai aucune confiance dans aucun représentant, je suis ni debout, il n'y a pas de représentant, tout le monde est pareil, tout le monde est horizontal, il faut s'auto-jouer, s'auto-organiser et faire évoluer les mentalités. Le reste, c'est bidouille, je ne crois pas du tout aux représentations, non, sans rien, ni Hamon ni Mélenchon, pitié. Ok, est-ce que quelqu'un a d'autres questions dans le public ? Vas-y. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup un livre qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu. Et même Gengis Khan, tous les grands qui ont eu envie de pouvoir et avis de pouvoir, ont toujours dit que pour te faire tomber un corps, en fait, il fallait taper sur les pieds. Et quand tu tapes sur les pieds, en fait, tout le corps s'effondre. Donc pour moi, la police, ça reste le corps, en fait, du gouvernement, les pieds du corps du gouvernement, en fait, tout simplement. C'est la police qui protège le gouvernement, c'est le premier prolétariat, en fait, le plus bas de la caste prolétaire, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, ils sont tout en bas, peut-être, mais ils sont prolos, et ils sont là pour protéger leurs intérêts, ainsi que les prolétaires. Et nous, les sous-prolos, en fait, entre guillemets, comme on nous a cassés, ben, comme le monsieur a dit, c'est déjà par rapport à l'éducation de sociétale, et je pense qu'il faudrait enlever les castes et mélanger nos divergences et nos idéologies sans partisanat, en fait, et arrêter de faire des différences entre nos divergences, en fait, ou nos différences, voilà. Là, c'est pas le but, là, c'est que toi tu poses des questions, lui il répond. Ou tu peux parler. Alors, attends, je vais te donner le micro. Donc, je répète un peu, là, on est sur les violences policières, le racisme et les guerres à la drogue. Donc, si vous voulez parler, on vous invite à parler, on ne mange pas. Donc, est-ce que tu veux parler, toi ? Violence policière, racisme et guerre de la drogue. Alors ma question sur la police, c'est quoi ? C'est que la police, elle dépend du ministère de l'Intérieur. Et question de violence policière, je pense qu'en France, ils en sont à égalité. J'ai beaucoup d'années d'incarcération derrière moi. La police ont des ordres. Et il faut penser à une chose, la police, c'est la protection civile. Je prends pas parti, mais je constate. Alors ma question à moi, c'est que penses-tu s'il n'y aurait pas la police ? Qu'est-ce qui se passerait ? Ah, ça c'est une très bonne question. Je ne sais pas trop. Je pense quand même que la police n'est pas. Enfin, les hommes d'armes ont toujours existé. Mais la police est une invention assez récente dans l'histoire. Hein. Des historiens, je ne sais pas. Mais, c'est assez récent. Comme les prisons sont récentes. Hein. Les prisons, il n'y avait pas des condamnations à la prison avant la fin du 18e siècle, début du 19e siècle. Il n'y avait pas. On pouvait être condamné à des amendes, voire à la décapitation, à la pendaison, mais on n'était pas condamné à la prison. C'est une invention récente. Et la police, c'est aussi une invention récente. D'accord ? Parce que des sociétés entières se sont administrées le long de l'histoire en s'autorégulant, en s'autogérant. Et encore aujourd'hui, il y a plein d'endroits au monde où il n'y a pas de police, ou dans des villages en Afrique ou ailleurs, les gens s'autorégulent. S'il y a quelqu'un qui fait une connerie, et ben, c'est les groupes, c'est la tribu, c'est la famille, c'est les clans qui vont prendre en charge les mecs et dire « Oh les gars, il faut changer les choses là ». D'accord ? Ça peut c'est régulé entre nous, entre soi, j'ai dit, je ne vois pas en principe la nécessité d'une police, puisque la police a été déjà inventée, la police et surtout la garde civile en Espagne, la gendarmerie, la maréchaussée, pour protéger les dits honnêtes gens. Parce que pour des gens comme Fillon, pour ces gens-là, lui, alors que c'est un voyou, pour lui, les voyous sont les gens de banlieue. C'est pas lui. Lui ne peut pas être voyou. Alors que ça n'est rien. Ok. Ya lo sé, hermano. Yo soy, hermano, yo soy algo español. He vivido en España y en México. Parla que en Francia, cuando la República Española no vender armas a la República Francesa, Franco invadir España. Y Franco después hace pum pum pum a la popularidad por culpa de los franceses y hace Francia entregar Francia a Hitler. Sebon, ¿qué oye, pasa? Oye, españoles, no. Oye, tío, yo soy italiano de origen francés y algo español porque he vivido en España y soy muy amigo y compañero. Escucha, Italia que hacía bombardeando en una guerra civil. Yo que tengo que ver con eso, vamos. S'il te plaît, si c'est pour du monologue, tu vas le voir après. C'est très bien comment on fonctionne, c'est pour du monologue, tu vas le voir après. Là, c'est pour des questions et pour faire le développement de débat. Tu veux parler dans le public. Tu veux reparler, toi ? Vas-y. Alors moi, personnellement, par rapport à la police, j'ai une chose à dire. Il y a plusieurs services et il y a des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, moi, je vais vous dire une chose par rapport à mon vécu personnel. J'ai beaucoup d'années d'incarcération par rapport à des trafics de véhicules. Et quand on est dans leurs locaux, ils voient la réalité des choses. Il y a de l'humanité qu'on ne voit pas à l'extérieur. Parce que les services de police, c'est pas tous les mêmes. Les CRS, ils s'occupent de la protection civile de la ville. Eux, c'est leur travail. Ils sont gouvernés aussi par le ministère de l'Intérieur. C'est aussi des personnes qui ont des ordres. C'est des personnes aussi qui doivent, voilà. Par exemple, quand il y a une manifestation, c'est vraiment eux quand même qui la stoppent au bout d'un moment. Parce que après, et souvent, les manifestations, après, c'est mélangé avec de la manifestation, c'est par rapport à un sujet et c'est mélangé avec la délinquance. Et les interventions sont souvent par rapport à la délinquance, pas par rapport à la manifestation, parce que les manifestations sont tolérées en France. Ensuite, par rapport à la police, les services de police nationale, ce qu'on ne voit pas à l'extérieur, c'est que les services de police nationaux, ils voient la réalité des choses quand les personnes sont dans leur service. Et généralement, il y a beaucoup d'humanité qu'on ne voit pas à l'extérieur. Ensuite, moi, par rapport à la police, j'ai rien à dire parce que personnellement, moi, je suis pas quelqu'un de violent, mais après. Les manifestations, on les suit, nous, parce que je suis pas ici, je suis mosellan, on les suit, mais les manifestations sont là pour des sujets d'éducation ou de quoi que ce soit, et c'est mélangé par de la délinquance. Et la délinquance, et malheureusement, il faut la réprimer par la délinquance. Quand il y a une manifestation, monsieur, ce qu'il faut, c'est que voilà, ça serait mieux qu'ils encadrent la manifestation. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont pas là pour la manifestation, et qui se servent de votre manifestation, justement, pour casser des boutiques, pour faire des délinquances énormes. Non, je dois te corriger, mon copain, parce que dans les manifs, tu te réfères évidemment aux manifs du printemps 2016 et à la casse qu'il y a eu à presque chaque manifestation. Les policiers étaient là pour provoquer la casse, déjà, et d'une. Ils n'étaient pas là pour protéger ni la manifestation ni les manifestants, au contraire. De deux, les 10 casseurs, c'est n'importe qui, c'est toi, moi, n'importe qui. Il n'y a pas de groupe de délinquants, surtout pas de délinquants. Et les gens qui ont cassé ont exprimé une parole. Parce qu'ils n'ont pas cassé une boutique, ils ont cassé des vitrines de banque, d'assurance, des capitalistes. Ils n'ont pas cassé n'importe quoi. Ça, c'est très important. C'est très important parce que ces actes-là, ce sont des paroles lancées. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais. Bah, moi, c'est pareil en fait. Je vais juste te répondre que si t'as vu un peu sur le web et tout ça, je te dire des éléments, que dans les casseurs des débuts de manif, dans les casseurs qui commencent, il y a toujours 2-3 flics dedans, qui commencent à engrainer la chose pour que derrière les flics puissent mater la manif. Ça, il y a plein de photos qui attestent, il y a plein de choses comme ça, où ça se passait en plein de manifs. Donc les flics font partie des casseurs. Il n'y a pas que des délinquants. C'est après, comme il dit, si tu regardes bien, tout ce qui est cassé, c'est des banques, des gros groupes nationaux, c'est des trucs, voilà, c'est des groupes qui font du profit, qui sont du capitalisme. Par contre, si tu regardes, les casseurs vont pas péter un hôpital, vont pas péter des choses comme ça, parce que eux, ça touche à rien. Un hôpital, c'est un hôpital. Par contre, oui, ils vont casser du Orange, ils vont casser des banques, parce qu'on en a tous marre de ce système-là. Et que eux, voilà, ils cassent, c'est une parole pour eux pour dire non au système. Donc après, faut pas. Attends, je vais le laisser répondre, donc faut pas tout amalgamer, tout mettre sur le même sac. Je vais vous rejoindre tous les trois, dans le sens où je concède largement que le rôle de la police, il est encore très difficile à déterminer, pour la simple et bonne raison que les intentions de tout à chacun, il y a des gens qui rentrent dans. Il y a du bon et du mauvais partout. Il y a des gens qui rentrent dans la police avec des bonnes intentions, sauver la veuve et l'orphelin. Et il y en a d'autres, eh ben, ils sont rentrés justement pour faire le contraire. Voilà, tout simplement. Ils sont venus avec de mauvaises intentions. Maintenant, ces gens, il y a une association en fait qui s'appelle Policier Taf de Chien, qui est un ancien policier qui a créé cette association pour faire des turnovers à d'autres policiers pour leur dire que vous êtes là pour faire du chiffre. Que vous n'êtes pas là pour autre chose, en fait. Voilà, tout simplement. Les premiers changements en fait viennent de l'intérieur. Et là, pour moi, c'est clair, que ce soit franc-masse, policier. Après, le fait de dire que les policiers sont les premiers à voir ce qui se passe, socialement parlant, c'est vrai. Mais tu vas dans n'importe quel corps de métier, que ce soit les pompes funèbres, les hôpitaux, on peut te faire socialement un barème de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que les prisons sont le premier thermomètre de la société. Quand les prisons sont pleines, c'est que ça va mal. Et quand elles sont vides, c'est que ça va bien. Maintenant, juste pour terminer, parce que la police, c'est un sujet que aujourd'hui j'ai pas trop envie d'après de pas d'épiloguer. C'est pour des raisons personnelles. Je pense qu'ils sont nécessaires dans le sens où il y a des gens qui ont des capacités. Ah, tout simplement, tu es boucher, tu sais où couper une tranche d'agneau, tu es chirurgien, tu sais comment faire une chirurgie. Policier, c'est un métier. Je pense que c'est pas un truc qui a été inventé récemment. Ça existe depuis 2000 ans ou plus. Mais une chose est sûre, c'est qu'avant les sociétés, les gens, ils avaient une idéologie commune. C'est-à-dire qu'un homme ne fait pas de mal parce que l'homme est le groupe. C'était avant les sociétés, c'était comme ça. C'était quand tu faisais quelque chose, en fait, tu le faisais jamais en ton nom, tu le faisais au nom de la totalité des personnes humaines qui étaient avec toi. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas-là. Donc la police est nécessaire. Moi, je suis désolé. Je vais pas applaudir la BAC, je vais pas applaudir les flics qui ont enlevé ma tante aujourd'hui. Mais si le raid aujourd'hui me permet d'éviter de me manger une bombe, ben vive le raid, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien contre eux, tu vois. Ils sont là, ils interviennent, ils nous sauvent de certains malades mentaux. Peut-être que tous les corps de la police sont à revoir. Il y a des corps de la police qui sont à revoir. Mais il y a des corps qui sont nécessaires, moi. Voilà, pour moi, je serais pas capable de rentrer chez un terroriste pour le rendre inoffensif. Après, c'est vrai qu'on parlait de trafic de stup parce que ça leur donne des raisons dans les cités, mais on parle aussi d'extrémisme, terrorisme dans les cités. Et dans les cités, on parle pas beaucoup de stup parce que pour nous, avant le stup, il y a quelque chose qui est le plus marquant dans la délinquance, c'est le vol. Tu vois, le vol vient avant le deal. Ça, c'est une certitude. Les gens, ils commencent pas par dealer, ils commencent par voler par nécessité ou par vision. D'être dans une société où on est vu comme un héros alors que le matériel ne lui appartient pas et qu'on s'accapare des choses qui ne nous appartiennent pas. Et dans ce cas-là, il faudrait revoir l'éducation de ce que c'est que le partage, en fait, et que les flics, si aujourd'hui on leur donne un nouveau rôle, ça serait le rôle, en fait, de contrôler d'une vision extérieure sans agir physiquement, en fait. Voilà, ils devraient être là juste pour avoir une présence comme une épée Damoclès, mais ne pas intervenir comme des cow-boys parce qu'on leur a donné des moyens, des armes, des trucs comme ça, pour faire un rapport de force. Parce que le rapport de force, dans les cités, on l'a très bien vu, il y a des cités où la police n'a pas de pouvoir, n'a pas le rapport de force. Voilà. Merci. Tu veux répondre ou pas? Oui, je pense, l'ami, que ça aussi, c'est le prétexte, la guerre, l'islamisme radical, aux djihadistes, sert de prétexte aujourd'hui pour mettre des flics partout dans la rue. Et quand il y a des flics partout dans la rue, quand il y a l'état d'urgence, et bien ça bloque toute contestation. Et c'est pour ça que c'est fait, tout ça. C'est pas pour empêcher des attentats. Les attentats, il faut pas déconner, quoi. Il faut pas déconner. T'as beaucoup plus de probabilité de mourir d'un accident de la route ou des grippes que mourir à cause d'un attentat. Tout ça, c'est fantasmé. Ça, c'est fantasmé. D'accord? Et tout ça, ça sert de plus en plus à entretenir de plus en plus un climat de guerre, un climat de méfiance, un climat de suspicion envers n'importe quel musulman. Il y a des millions de musulmans en France, en Belgique, il y a quelques dizaines d'extrémistes djihadistes. Il ne faut pas exagérer. Enfin, c'est ça qui est terrible. Merci. Tu vas attendre 2 secondes, il y a quelqu'un qui va parler avant toi. Ouais, sur la police, pour continuer, mais pas m'étendre non plus. Je pense que le métier à l'origine, c'est gardien de la paix. Gardien de la paix. Je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ça qu'on voit de la police. C'est les forces de l'ordre. Comme tu dis, t'as raison. Et aujourd'hui, moi, j'ai vu plein de situations dans les transports. Dans les manifestations avec les lycéens, les étudiants, les ouvriers, où les flics se comportent comme des voyous. Comme des voyous. Et ça craint, quoi. Il y a même des copains qu'on fait attention maintenant quand il y a des flics de contrôle. Ils amènent une insécurité. Ce qui s'est passé avec Théo, c'est très grave. Et là, on sent qu'ils vont très loin. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Hollande, il a été carrément à l'hôpital voir ce jeune qui a été violé quand même par un flic, avec une matraque. Mais on passe pour des sauvages, là, en France, là. C'est pas, on peut pas justifier ça. Pour terminer, juste dire, oui, on a besoin de gardiens de la paix. Mais pas des cow-boys. Et malheureusement, je crois que le gouvernement en place, il faut pas s'oublier que même le précédent gouvernement et l'ancien président Sarkozy parlaient de Karcher dans les cités. Karcher. Et là, aujourd'hui, on en est arrivé à une matraque, violence. Et les manifs l'année dernière, moi j'ai vu, et encore quand il y a eu Théo, il y a quelques semaines, des flics qui embarquent des jeunes étudiants qui disent on veut pas que ça recommence. Ils les emmènent au poste, ils les criminalisent, ils ont rien fait les mecs, des jeunes étudiants, des lycéens, des collégiens. Première manifestation, ils essayent de dire que c'est pas normal cette violence. Et on voit le gouvernement en place, comme à l'époque de Sarkozy avec les Karchers, ils continuent à faire peur à la population. Quand on crie notre injustice. Merci, je te laisse répondre. Oui, moi j'étais franchement révolté par le fait que Hollande soit allé au chevet de Théo à l'hôpital. Puisque Hollande, en tant que chef de l'État, couvre depuis des années les violences policières. Et j'étais doublement révolté parce que Hollande, comme d'autres bien-pensants, on dit c'est mal ce qui a été fait à Théo, mais parce que Théo était tout de suite présenté comme quelqu'un qui n'avait jamais été même pas en garde à vue, d'accord, était présenté comme un innocent. Mais s'il s'était agi d'un dealer, des banlieues, ces démons étant modernes, qu'aurait-on dit? Beaucoup de gens, je pense, auraient dit c'est bien fait pour sa gueule. C'est ça le problème, parce que cette putain de guerre de drogue légitime toute violence policière. Qui veut parler? Tu voulais parler aussi, toi? Enfin, je te mets après. Messieurs, moi j'ai un mot à vous dire et en 3 secondes. Il y a aussi une police que personne ne voit. Ok Théo, ok Marseille, la BAC raquette les jeunes, ça raquette dans Nanterre, ça raquette dans Paris. Mais il y a une police que personne ne voit, c'est l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale. Ils sont là pour s'occuper des policiers qu'ils ont bavés. Et croyez-moi que l'IGPN ne plaisante pas quand ils interviennent. Et c'est des policiers que personne ne voit. Je vous souhaite que votre manifestation se passe bien et que ce que vous faites, c'est très bien. Merci. Je vais vous laisser. J'en ai juste pour une seconde, je voudrais poser une question à monsieur. Vous avez parlé d'une société idéale où les gens agissaient au nom du groupe et où tout, il n'y avait pas de violence, tout se passait bien. Une question, c'était à quelle époque et dans quel pays? Ouais. En fait, moi, j'explique quelque chose que c'est une science, en fait, c'est la sociologie, et qui explique, en fait, anthropologie aussi, qui explique l'histoire de la société humaine. Et avant, eh ben, les religions, la politique, tout ça, c'était pas un sujet d'actualité, on n'en parlait pas parce que il y avait une conscience naturelle et innée dans chacun, en fait. Maintenant, je pense qu'on peut parler du futur, pas que du passé, hein, je sais pas. Je peux pas te donner. Moi, je suis peut-être le fils d'une instance sociale, mais je suis nul en date. Une chose est sûre, C'est que plus je pose la question à quelle époque, plus je vois que même au niveau des dates, on est beaucoup. Moi, l'histoire, déjà, je pense qu'elle est fausse, donc on va pas parler de préhistoire. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre sur notre histoire, en fait, sur notre passé. Et au niveau des dates, moi, je ne peux pas t'affirmer avec précision. Ah, je peux situer, mais je ne peux pas dater. Ah, alors, je te le dis avec toute franchise, c'est un autre monde, en fait, entre guillemets, c'était avant les frontières. Donc, déjà, voilà, tu vois, c'était avant que certaines traces avec des règles et des compas, des traits droits pour séparer et diviser le monde, pour mieux régner sur nous. Donc maintenant, on est soi-disant un peuple souverain, mais à l'époque, ouais, possible, 10 000 ans, moi je dirais 10 000, moi c'est mon approximatif, c'est une supposition encore, je le répète, c'est 10 000 ans. Moi, il y a 10 000 ans, je pense qu'il y avait une société beaucoup plus évoluée que la nôtre, qui était capable de faire des choses beaucoup plus grandes, même ne serait-ce que architecturales, avec des moyens que nous aujourd'hui, voilà, je sais pas, il y a des supporters du PSG peut-être, mais on sait toujours pas comment on a fait les pyramides. Je sais qu'on est bien endoctriné dans le sens où l'histoire, on nous apprend des trucs depuis tout petit, et qu'en fait maintenant, on nous prouve que ce n'est pas possible de, voilà, c'est, on a des preuves maintenant, donc c'est pas quelque chose que je dis en l'air. Il y a des preuves qui expliquent que. Alors, j'ai dit à peu près il y a 10 000 ans, et où, avant les frontières, ça veut dire que on ne peut, je peux pas. Exactement. Comment? Alors, cette science qu'on appelle l'anthropologie et la sociologie, c'est quelque chose qui est basé sur des recherches que moi, en gros, en tant que citoyen, n'est pas assez étudié, mais il y a énormément de livres que moi j'ai lus. Comme La Misère Blanche, comme beaucoup de livres philosophiques aussi, comme Platon, Socrate, qui précise à l'époque qu'on était déjà, qui parle il y a 500 ans avant Jésus-Christ, on n'a pas besoin de monter 10 000 ans, que déjà on avait déjà répondu à certaines questions existentielles, qu'aujourd'hui on renie, tout simplement, on renie la nature humaine, on renie beaucoup de choses, qu'à l'époque on avait déjà les réponses, quoi. La réponse, elle était déjà, la question, elle se posait même pas, quoi. On avait la réponse, elle était en nous. Aujourd'hui, on est dans des faux problèmes, on se pose de fausses questions, et on continue à avancer dans le brouillard. Quand je dis on, je parle des êtres humains en général. Ouais. Je vous rappelle juste un truc. Si c'est pour faire un monologue entre vous deux, si vous faites juste à parler juste entre deux personnes. Je vous invite juste à parler après, en fait, après la séance, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous parler comme ça. Après, oui, j'ai pas que ça enrichi, mais bon. Après, si on pouvait aussi avancer dans des trucs, on avance quand même, mais bon. Voilà, tu veux reparler, vas-y. Justement, pour avancer par rapport aux dates et à ce qui est fait dans le débat maintenant sur la place de la République, il faut se rappeler, moi j'ai une date, c'est la Commune de Paris. Vous avez peut-être entendu parler, le peuple de Paris qui s'est révolté il y a plus de 200 ans. Tu vois, c'est pas 2000 années, mais c'est 200 ans, plus de 200 ans, hein, après la Révolution française, si je dis pas de bêtises. Voilà, bon. Alors, je fais la jonction, je parle de la Commune de Paris, pour parler, comment on est, sur la place de la République, où le peuple de Paris s'est pris en main, a voté des lois, je peux en citer quelques-unes. En discutant comme ça, le peuple parisien s'est révolté contre les Versaillais, le pouvoir. Il y avait arrêté l'école. Après, je te laisse la parole. Tu compléteras. Il y avait pas de travail de nuit. L'école obligatoire et gratuite. Mais j'ai pas tout ça en tête. Mais pour rebondir donc à l'idéal, nous en tant qu'humains, je pense qu'on aspire tous à vouloir améliorer la vie. Et donc, pour rebondir dans la discussion, tu lui posais la question d'une date. Moi, ma référence, c'est le peuple de Paris avec la Commune de Paris qui s'est révoltée. Et c'est aujourd'hui la discussion qu'on peut avoir sur la place de la République, où on essaye de trouver des situations, des idées, de se rassembler en tant qu'humains pour s'en sortir, pour avoir une meilleure vie. Merci à toi. Est-ce que tu veux répondre, toi, à tout ce qui a été dit, si tu veux rajouter des choses? Oui, non, sur l'histoire, l'anthropologie, qui ne sont pas des sciences exactes. Hein. Oui, bon, mais ça a son utilité, évidemment. Et bah, je pense que contrairement à des idées qu'on voudrait avoir, non, la société était réglée, les frontières existent depuis très longtemps, depuis que l'homme s'est sédentarisé, arrêté le nomadisme, on a créé des frontières, on a combattu pour imposer des frontières, pour envahir d'autres pays, donc ça, c'est, du point de vue historique, c'est pas vrai. La société idéale n'a jamais existé. Non, bah, les pyramides, on sait parfaitement comment elles étaient construites. Il n'y a aucun mystère. Il n'y a pas de mystère. On savait les faire avec les moyens techniques qu'ils avaient à l'époque. C'est pas un problème. En fait, je répète, si c'est pour parler entre vous, vous faites après, s'il vous plaît. Après, si c'est pour apporter des vraies choses au débat, je veux bien. Mais si c'est pour parler entre vous, c'est après. Je veux bien, mais là, c'est pas maintenant. Est-ce que tu veux parler sur le sujet, toi ? Voilà, la commune de Paris, c'est vrai que c'est eux qui ont inventé toutes les grandes réformes sociales. Mais il ne faut pas croire que c'est le peuple qui s'est révolté pour obtenir ces réformes sociales. C'est à la suite de la défaite de la guerre contre la Prusse, en 1871, la bourgeoisie a voulu capituler pour préserver les privilèges. Et les communards ont distribué des armes aux ouvriers de Paris pour défendre Paris. 500 000 fusils. Ils sont emparés des fusils pour défendre Paris et imposer la commune. Ce n'est pas une révolte ouvrière, c'est une révolte patriotique. Premièrement. Ensuite, tout a été établi avec des réformes sociales extraordinaires, gratuité de l'école, etc., qui ont été reprises beaucoup plus tard, un siècle plus tard. Merci de ton complément d'information. Ouais, mais ça reste après. Je rentre pas dans le sujet, c'est juste parce que par fierté d'être communard, je suis né dans le 18e arrondissement. En fait, c'est juste un point historique, j'ai juste envie de dire que les gens ils vont au Sacré-Cœur tous les jours et qu'ils savent pas comment ce mont est arrivé sur Paris. Ben, c'est sur le corps et les cadavres de tous ces communards qui sont morts pour cette raison, en fait. C'est pour ça que je te le dis, je suis né dans le 18e et là où je mets mes pieds, souvent je cherche l'histoire là où je mets mes pieds, et le Sacré-Cœur, il est fait sur un tas de morts de communards, en fait, liés à cette histoire. Voilà, il y a eu des sacrifices, c'est pas que on dit j'ai pris des armes. Non, il y a eu beaucoup de sang coulé. Le Sacré-Cœur a été construit parce que les communards ont tué des prêtres et pour faire expier les péchés de la commune. Donc je vous rappelle, on est sur la violence policière, le racisme et la guerre de la drogue. Est-ce que dans le public quelqu'un veut réagir ? Est-ce que tu veux réagir ? Depuis tout à l'heure t'as pas réagi à moi que ça te fasse peur ? Non ? Tu veux absolument pas ? Y a pas de soucis. Alors ce que je peux te proposer sinon c'est, je vois l'heure. Si je peux te proposer, c'est de faire une conclusion de 5-10 minutes, si tu veux, sur ton sujet. Et puis après, on va arrêter là. Après, tout ce que je peux vous dire, c'est que de l'autre côté de la place, là-bas, vous avez un autre atelier, un théâtre. Vous pouvez après les rejoindre là-bas. Et sinon, vous avez des stands à côté. Et notre accueil qui est juste devant le métro pour vous expliquer ce qu'on va faire tout ce week-end. Voilà. Donc, je te laisse faire la conclusion et puis on va arrêter. Non, juste pour dire que l'affluence pas très nombreuse, disons, à ces débats témoigne du fait que cette question de que les violences policières tentés de racisme anti-noir et anti-arabe en France sont possibles puisque légitimés par la soi-disant nécessité de guerre à la drogue. Ces liens n'est pas encore compris par l'opinion publique française et il n'est encore pas compris non plus par les milliers gauchistes, disons, qui ne semblent pas vraiment intéressés et ayant la volonté de comprendre ce qui se passe. Mais parce que aussi les drogues et les drogués ont une image négative, voire délétère aux yeux de l'opinion publique. C'est une énorme méprise, en fait, puisque les drogués et les drogues sont parmi nous. Donc on évalue aujourd'hui en France à 4-5 millions les fumeurs de cannabis, à 2-3 millions les sniffers de cocaïne, à 1 million des personnes qui prennent de l'héroïne, auxquelles il faudrait ajouter quand même les 20 millions de Français qui boivent de l'alcool, et auxquelles il faudrait ajouter les 4 millions de personnes que vont voir les médecins généralistes pour avoir des prescriptions des benzodiazépines. Ce sont les molécules des anxiolytiques antidépresseurs qui sont, au dire des médecins addictologues, encore plus addictives que la drogue illégale primitive, l'héroïne. Et ça, c'est légal. Donc il faudrait arrêter avec cette hypocrisie. Alors, merci à toi. Merci à toi pour ton intervention. Donc, je rappelle au monde qui est là, donc le reste du programme. Donc, on va faire une pause de 1h à 2h pour se restaurer, pour se reposer aussi un peu. Ensuite, de 2h à 4h, vous avez l'arc-en-ciel théâtre qui fait la suite de ce qu'elle est déjà en train de faire ce matin. Donc, on vous invite à aller rejoindre cet après-midi là-bas. De 2h à 4h, vous avez aussi la CNAGEP qui fait des porteurs de parole. Et aussi, vous avez de 4h à 6h, vous avez quelque chose sur la séance critique, intervention et débat. Et vous avez aussi, sur le même horaire, un réseau d'échanges et de savoirs pour cet après-midi. Et donc après, pour demain, on vous invite à revenir à 11h. De 11h à 13h, nous ferons l'atelier du pop, quelle société veut-on, sur le commerce international. Ensuite, de 2h à 4h, nous avons les interventions à débat éducation populaire. Ensuite, de 2h à 5h, nous avons Under Construction, jeu de société sur le thème de l'éducation populaire hors les murs. De 3h à 4h30, nous avons Résonance avec Culture et Liberté contre Vert sur l'éducation populaire est-elle politique. De 2h à 6h, vous avez Benjamin Bayet, monologue théâtral, qui va faire quelque chose sur le théâtre, je pense, et sur les débats. Débat après, de 6h à 8h, vous avez une assemblée thématique sur les pratiques d'éducation populaire, et ensuite à 9h vous avez la projection de film, et après ce soir aussi à 4h30 vous avez la manifestation Stop Bolloré qui vient sur la place, et à partir de 5h nous allons faire un nager avec Stop Bolloré sur la place. Donc voilà mon programme. Donc si vous voulez plus d'informations, vous invitez à aller sur les points d'accueil où on va tous vous expliquer, et puis sinon bonne pause, bon après bon repas, et puis à tout à l'heure. Thank you.